Alors, oui. Il marche le truc. Oui, je voulais vous demander, vous êtes né à Chavriou. Oui. Vous avez été paysan, oui. Une famille de paysans, oui, oui, oui. Vous aussi. Moi, je suis pas né à Curel. À Curel. Mon père, il est mais d'une famille de paysans aussi, sûrement. Ah, oui, ah, ben, paysans commerçants, la moitié. Oui. Mon père, il était dans, voilà. Plutôt dans le commerce. Alors, le fromage. Oui. La casa. Oui. La casa. Dites-moi la différence entre la cache, la cassaille, la tome, le fromage. Voilà. Ah, ça, c'est... Je ne sais pas tout. Comment on disait simplement. Ah, on disait le cassa. Le cassa. Le cassa. Et le cassa, c'était le cahier. Ah non, le cassa, c'était des tomes qu'il écrasait, il mettait, je crois qu'il... Bien goûté. Bien goûté, il n'y avait presque plus de petit lait dedans. Mais fraîche encore. Oui. Et ça, on les écrit ça dans une toupine, qu'on appelait. Oui. Et puis ça, moi je ne sais pas comment ils le faisaient, je ne sais pas. Ah, moi je vais vous dire comment on le faisait chez nous. Ben voilà. Nous on l'appelait le rabrousse, parce que c'était fort. Alors on avait du fromage de chèvre ou de vache, bien sec. Oui. Alors ça, on le délayait avec du lait chaud. Oui. Et après on le laissait un certain temps macérer pour qu'il vienne bien fort. Ah, vous c'était fort, mais c'est dans la vallée du Jabron c'était pas fort. Ah ben c'est-à-dire on le laissait, c'est vrai. Et c'était où ça? Ah mais moi je suis du côté de Fugerey d'Anotte. Vous m'entendez parler Saint-André d'Anotte. Oui. Alors nous là-bas ça se faisait comme ça. Oui. Qui l'aimait bien fort, il y a une famille où il n'y avait que le père et la fille, il aimait tellement fort qu'il venait marron, au moins comme ça. Parce que comme ça, on n'en mettait guère, vous savez. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, dans la vallée du Jabron, ce n'est pas les mêmes habitudes. Alors, ça dit alors on dit cassa et cassaille, ou c'est le même mot ou ça dépend, oui, oui, oui. Oh, ça dépend des quartiers, des choses. Voilà. De cassaille, de cassaille. Voilà, on appelle des cassa tout court. Des cassa, oui. Alors, pour nous, on mettait. Si on était dans cette terrine-là, comme on dit. Terrine d'autrefois. Moi, je rappelle, tous les jours, ou tous les autres jours, ils ajoutaient une tombe écrasée, quelque chose. Voilà. Ça fait qu'il y en avait toujours un plaisir là-dedans. Et c'était un peu fort. Un peu fort, mais si on voulait... Pas tellement. Si vous le mangez assez vite, si on le laissait venir fort. Mais si vous le laissez venir fort, ça devient fort que c'était mangeable. Alors, même à Saint-Vincent, il y a deux habitudes différentes. Il y a ceux qui le faisaient devenir fort et ceux qui le mangeaient tout de suite. Voilà. Hein? Chez nous, c'est pareil. Oui, nous. Et c'était du lait caillé, quoi, presque de la brousse. Voilà. Hein? Ouais, c'est ça. Voilà. Et qu'on mangeait frais. On le mangeait plutôt frais. Nous, tous mais les non, jours. Non, on le mangeait plutôt frais, mais. Quand on a habité 25 à 26 ans à Saint-Antonin, là. Oui. Eh bien, on le faisait comme ça. On avait des chèvres, on caillait le lait, et on le laissait bien égoutter, on l'écrasait bien, mais tous les jours, on le tournait, tous les jours. Et on en rajoutait toujours dans la même toupine. Ah oui, dans la même toupine. Oui. Oui. Et ça n'avait pas le temps de devenir fort. Oh, ben... Ah, pas la force. Comme c'est une bouteille de vinaigre, j'en ajoutais un peu toutes les semaines, ça vient fort, vous savez. Oui. Et le restant, c'était pas fort à... Une fois, figurez-vous. Il y a une dame de Tuit sur Loire, c'est un peu de votre région. Oui. Elle m'avait donné un petit verre de la cachet, que vous dites, mais au fort. Oui. Coquin de bonsoir. Ah, mais c'était mangeable, alors, là qu'il faisait. J'avais invité un ami, il est venu, il dit, viens un peu goûter, coquin de bonsoir, mais c'est que ça nous. Ça vous a enlevé la. Ah, si vous le laissez venir fort, oui. Ah, puis on a été presque malade. Ça sent fort. C'était trop fort. Ça sent mauvais. Et quand elle était fraîche, quand il était frais, quand ça, c'était, on le donnait aux enfants pour partir à l'école. Même nous, on le mangeait. On faisait griller des tartines de pain, et puis on faisait une bonne couche de cette cassaille, là, comme ça, et puis on mangeait. J'avais un oncle et une tante au Moulin d'Anne, l'oncle Baptistin, la tante Marie. Des fois, elle venait le matin bonne heure, là, dit, ah, on peut manger de la cassaille, du cassa, quoi, nous on disait. Alors, on lui faisait griller des grosses tartines de pain, puis on lui mettait une bonne couche de ce cassa. Oui. Et c'était le déjeuner. Le déjeuner. On ne mangeait que ça. Oh, ben. Au déjeuner. Le café. Bon. Oh, mais autrefois, il y en a beaucoup qui déjeunaient avec ça. 4 heures. Nous, quand on sortait de l'école, on faisait ces bonnes tranches du fromage. Et on le faisait rôtir devant le. Alors, rôti. Mais nous, on ne le laissait pas venir fort, comme certains. Et je vous dis, il y en a qui le laissaient venir fort. Ça dépend des habitudes. Puis pour les enfants, c'est vrai. Mais même mon père l'entretenait comme ça. Parce que même quand on venait à Couet, parce que mon père il est resté longtemps là-haut avec un troupeau à Couet, et bien il avait des chèvres. Oui. Et bien on faisait le cassap, puis après lui il se l'entretenait. Oui. Comme ça, il le refaisait, il en rajoutait. Oui. Il en rajoutait, et puis lui il se faisait son cassap là-haut, sur place. Hein. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que quand ils étaient enfants, ils déjeunaient avec du cassava frais, de la sèbe. Voilà, c'était le déjeuner d'autrefois. Et du pec. Voilà. Et tout le monde, les enfants, le berger avant de partir, tout le monde mangeait pareil. Dans le temps, on ne faisait pas comme maintenant. Qu'est-ce que tu veux manger, enfant? On mettait le couvert, puis il y avait on servait, puis personne ne disait pas. C'est sûr, comprenez. Moi, je suis beaucoup plus jeune, nous étions 6 enfants, parfois à table nous servait, personne ne disait rien. Mais personne ne dit, moi j'aime pas ça, moi j'aime ça, moi j'aime ça. Jamais de la vie, hein. Alors ça c'était le matin, là, c'était le repas du matin. Le matin, nous, à 4 heures. En général, à 4 heures, il y en a beaucoup qui ont mangé. Les enfants, nous, parce que les parents ne goûtaient pas. Mais je me rappelle qu'on se régalait avec ça, moi je m'en rappelle. Tout le monde m'a dit que c'était très bon. Moi, je comprends.